Radio UC Lille. Hello everyone, welcome to in our emission Try to Speak Better English. So Eloise is now going to tell us about a very serious matter, the art of being a good reporter. Yes, Quentin. In this case, it's more about avoiding making mistakes, like the following one. Well, tell us. When Fox News tweeted about the suspect in the Quebec City attack, they inaccurately described him as a man of Moroccan origin. Pressured by the office of the Canadian Prime Minister, they apologized and erased the tweet. The 29th of January has been a terrible day for Canadians. At the Quebec City Islamic Cultural Centre, also known as the Grand Mosquée de Québec, gunmen opened fire during the evening prayers on Sunday. 6 people were fatally shot in the back and another 19 people were wounded. On Tuesday, 2 people remained in the critical condition. Justin Trudeau, Canada's Prime Minister, condemned this act as a terrorist attack. He also addresses a message to the Canadian Muslim community. To the more than 1 million Canadians who profess the Muslim faith, I want to say directly, we are with you. 36 million hearts are breaking with yours. And know that we value you. You enrich our shared country in immeasurable ways. It is your home. Shortly after the attack, police had arrested 2 men, French Canadian Alexandre Bissonnette and Mohamed Belkarir, a Moroccan-born Quebecer. By midday on Monday, police had clarified that only Bissonnette was a suspect, and they had released Belkarir without charge, treating him as a witness. However, on Monday afternoon, Fox News tweeted on that the suspect in the attack was of Moroccan origin. The Fox News tweet made no mention of Alexandre Bissonnette, who now faces 6 charges of first-degree murder and 5 of attempted murder. The tweet remained in circulation even hours after it was made clear that Bissonnette was the only suspect in this case. It was retweeted more than 900 times and had racked up on 1,600 likes. Kate Purchase, the director of communications for the Prime Minister's office, sent a letter to Fox News. In it, she stated that this tweet dishonored the memory of the 6 victims and their families by spreading misinformation, playing identity politics, and perpetuating fear and divisions within our communities. She added, "Fear does not make us safer, it makes us weaker." According to this letter, to paint terrorists with broad brush that extends to all Muslims is not just ignorant, it is irresponsible. For its part, Fox News apologizes for the error, corrects the misreported information and deleted the earlier tweets. Dimanche 29 février, à la Grande Mosquée de Québec, un homme a ouvert le feu sur les fidèles lors des prières du soir. Il a tué 6 personnes et en a blessé 19, dont 2 étaient encore dans un état critique mardi. À la suite de l'attaque, la police a arrêté 2 hommes, le franco-canadien Alexandre Bissonnette et Mohamed Belkadir, d'origine marocaine. Bien que ce dernier ait été relâché lundi à la mi-journée, Fox News a tweeté dans l'après-midi que le suspect serait d'origine marocaine. De plus, ils n'ont fait aucune mention de Bissonnette, suspect définitif de l'affaire. À la demande du cabinet du Premier ministre canadien, Fox News a présenté des excuses, corrigé l'information et effacé le tweet. Et ahora, Eugenie, se inspiró Madrid de Francia al aprobar la semana de 35 horas? Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión cautelar de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales a 35 de los funcionarios municipales, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid el pasado 30 de junio y que fue recurrida por la abogacía del Estado. La delegación de gobierno recurrió el 30 de septiembre a través de la abogacía del Estado la reducción de la jornada de los funcionarios del consistorio madrileño, argumentando que la ley de bases de régimen local sobre la racionalización y sostenibilidad de la administración establece que los funcionarios locales se rigen por las mismas normas que los funcionarios del Estado. Le tribunal supérieur de la justice de Madrid a accordé la réduction de la journée de travail qui s'élevait anciennement à 37 heures et qui est actuellement de 35 heures. Cette nouvelle loi a été approuvée par le conseil municipal de Madrid. Cette loi a été faite afin que les fonctionnaires locaux soient régis par les mêmes normes que les fonctionnaires de l'État. Charlotte, de nuevo hablamos de Trump. ¿Qué hay que decir esta vez? Sí, bueno, pocos pensaban que Donald Trump iba a ganar las elecciones, pero ganó. Pocos pensaban que iba a intentar aplicar su programa poco realista, pero apenas han pasado 10 días desde que tomó posesión de la Casa Blanca y ya está intentando convertir sus palabras en actos concretos. Por ello, los Estados Unidos ya están pasando por muchas polémicas acerca de derechos fundamentales y está al punto de vivir una crisis constitucional sin precedente. Nunca un presidente de los Estados Unidos había arrancado con un ritmo tan intenso. Desde su llegada el pasado 20 de enero, el nuevo presidente sorprende cada día con sus decisiones. El decreto que desde el pasado fin de semana veta la entrada de Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de varios países de mayoría musulmana ha sembrado el desconcierto en los distintos niveles del gobierno y ha abierto el riesgo de un conflicto institucional. El Tribunal Supremo ya tiene que encargarse del caso del Islam Ban, del veto migratorio. Este tribunal tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre si el decreto de Trump respeta los principios de la Constitución o no. De hecho, las leyes de los inmigrantes prohíben discriminar candidatos a viajar a los Estados Unidos por su país de origen. Pero parece que le importa poco a la administración de Trump, que ya está preparada para desafiar estas reglas, prohibiendo la entrada de los ciudadanos y nacionales extranjeros de 7 países con origen musulmanes. Pero Trump no tiene solo planes respecto a la restricción de los derechos de los inmigrantes y de los refugiados, sino también quiere restringir un derecho de la mujer, el aborto, reconocido en 1973. Al final, parece que la especialidad de Trump será la de recortar los derechos humanos y a ver cómo empezó su mandato, con ya 5 casos llevados ante el Tribunal Supremo, podemos imaginar que esta institución tendrá mucho trabajo que hacer estos próximos años y los dedos de la mano serán pronto insuficientes para contar todos los escándalos y polémicas que va a acumular. That is sad. Thank you, Charlotte. Super Bowl 51 is on Sunday, and Haley have made a useful, may have useful pieces of information for you. Yes, it's February, and that means the American Football Championship is near. Super Bowl 51 is this Sunday evening in Houston, Texas, and will be broadcast at 12:30 a.m. local time, Monday, February 6th. 112 million people are expected to watch as the New England Patriots face off against the Atlanta Falcons. If you are more interested in entertainment than sports, Lady Gaga will be performing at the halftime show. And be sure to watch the commercials as well. Fox Sports has sold 30-second ads for $5 to $5.5 million. This year, the road to the Super Bowl has been accompanied by a few controversies, but all is set for the big game. Oh, but the AFC title game, not without controversy. In the hours leading up to their crushing defeat, the Steelers received an early 3 a.m. wake-up call when the fire alarm went off at their Boston hotel, a now-arrested Pats fan behind the prank. In the days leading up to the game, at least 15 Pittsburgh players came down with the flu. Illness also a factor in the NFC Championship game. Several Green Bay Packers, including quarterback Aaron Rodgers, suffering from the virus. Not a great time to face Atlanta Falcons quarterback Matt Ryan, who lived up to his Matty Ice nickname with 4 touchdown passes. Touchdown! Touchdown! Touchdown! It is a touchdown! Even running the ball in for a 5th. And a touchdown! For a 44-21 win. Cannot wait for this. All eyes are going to be on Matty Ice, Matt Ryan, and Tom Brady when they face off February 5th in Houston. Now, do remember, Brady, he's 4-0 in his career against the Atlanta Falcons. But if the Patriots bring home the Lombardi Trophy this year, it would be Brady's 5th time doing it, the most ever. Le Super Bowl, le championnat football américain, aura lieu à Houston, Texas, et sera diffusé le 6 février à 12:30. 112 millions de personnes regarderont le jeu entre les New England Patriots et les Atlanta Falcons. Si vous êtes plus intéressé par le divertissement que par le sport, Lady Gaga se produira durant le spectacle de la mi-temps. Et assurez-vous de regarder les publicités. Fox Sports a vendu des publicités de 30 secondes à $5 millions. Okay, thank you. We are still talking about sports, and it's time for the African Cup of Nations. Melody, tell us. Yes, Egypt's dreams of an 8th African Cup of Nations crown are alive and kicking at the semi-final stage of the competition, although an impressive Burkina Faso side stand between them and a final spot. Egypt, who will appear in the last four of the competition for the first time since 2010, received a memorable 1-0 win over Morocco in the quarterfinals and will be the favourites of this one after some strong performances in Gabon. However, Burkina Faso showed their class in the last eight, beating Tunisia 2-0. Predictions are that a victory would be for Egypt 1-0. We expect another absorbing match between Egypt and Burkina tonight at 8 p.m. local time in Gabon. The winner will go to the final on Sunday against Cameroon or Ghana. Now let's hear about the feelings of one of Egypt's players. It's a good side, you know. We watched them, you know, through the competition a few times. So they're strong, they're physically good, and they play some good football. So we have to be in our best in this game and focus and concentrate 150% to get the result and go through the final. La première demi-finale de la CAN 2017 se déroulera ce soir à Libreville. Le Burkina Faso s'affronte contre l'Égypte, qui cumule déjà 4 Coupes d'Afrique de Nations. Les deux équipes sont en effet invaincues depuis le début de la compétition. L'équipe gagnante décrochera alors le billet pour la finale et la rencontre promet d'être serrée étant donné les atouts de chaque sélection nationale. Pues es interesante. Para los que no saben nada de fútbol, Payet vuelve a jugar en Marsella. Sixteen, ¿puedes decirnos más? Después de semanas de negociaciones, Dimitri Payet dejó a West Ham para regresar al Olympique de Marsella, que había dejado hace 19 meses. Ambos clubes encontraron un acuerdo cercano de los 31 millones de euros. Para su primer mercado en la cabeza del OM, Jacques Henriero llegó a cerrar el traslado más costoso de la historia del club. Las negociaciones con West Ham han sido tendidas y las primeras discusiones eléctricas. El club londinense ha amenazado al OM de persecuciones y cuando un acuerdo había sido encontrado hace algunos días sobre el importe de la transacción, los Hammers exigieron un pago inmediato e íntegro, mientras que Marsella prefería reglamentar en tres veces. Todo finalmente volvió a la normalidad y Payet firma por 4 años en la Olympique de Marsella. Après des semaines de négociations, Dimitri Payet a laissé West Ham United pour revenir à l'OM. Les deux clubs ont trouvé un accord de 31 millions d'euros, ce qui est devenu le contrat le plus coûteux du club français. Même si les négociations entre les deux clubs furent tout d'abord électriques, Payet a finalement signé pour 4 ans à l'Olympique marseillais. Seguimos con cine y el lanzamiento de una peli, que no tardará en tener éxito. Nos habla de eso Maud. Hoy, miércoles 1 de febrero de 2017, es el día de lanzamiento del documental de Andofin Julien, El Mistral Gagnon. A lo largo de este documental, muy emocionante, seguimos la vida cotidiana de 5 niños que tienen una grave enfermedad. Ambre, Camille, Charles, Imad y Tugdual tienen entre 6 y 9 años. Viven en el momento presente. Con humor y sobre todo la energía optimista de la infancia, nos cogen de la mano, nos llevan en su mundo y comparten con nosotros sus juegos, sus alegrías, sus risas, sus sueños, su enfermedad. Es una peli a la altura de niños, sobre la vida simplemente. El Mistral Gagnon es el primer documental de la realizadora Andofin Julien. La idea de realización de un documental sobre este tema conmovedor venía de su propia experiencia. Su hija, Thaïs, murió de una grave enfermedad neurodegenerativa. En 2011, en su libro De Petit Pas sur le Sable Mouillé, Andofin Julien escribió sobre su experiencia terrorífica como mamá que perdió a su hija. Hoy en día, en el documental que sale en las salas de cine, la realizadora eligió compartir con el público el sentimiento fuerte de felicidad que sale de estas vidas frágiles. De hecho, ella declaró durante una entrevista en la radio francesa France Inter que descubrió con su hija, a través de su camino y su manera de vivir su vida frágil, una otra manera de vivir su propia vida. Anne Dauphine Julien quería compartir con el público esta diferente manera de vivir, con la preocupación sola del momento presente. Ahora vamos a escuchar el tráiler del documental Hélène Estragagnon de Anne Dauphine Julien. Clé. Uno. Non, c'est pas le nous là. Si. Un Charles. Ouais. Toujours amis tous les deux. J'ai trois copains là. Je leur dis parfois j'étais à l'hôpital, par là. De réexpliquer chaque fois, ça c'est pas facile. Quand tu auras une grève de rein, t'auras plus besoin de dialyse. Oui. Donc ce serait bien. Qui commence ? L'hypertension artérielle pulmonaire, c'est une maladie qui touche mes poumons et mon cœur. Avant, par exemple, de jouer une scène, je souffle et j'y vais, c'est tout. Marie-Copine ! Ouais ! Ok, Camille, va, j'y vais. Fais une passe ! Allez, parti, on va à côté. Garde à vous ! On le chasse ! On lève la tête ! Je suis malade. Ma maman, elle m'a tout expliqué quand j'étais bébé. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Tu feras pareil, toi aussi ? Hein ? Comment pareil ? Tu prendras soin de moi quand je serai grand ? Eh oui. Hein ? Eh oui. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. C'est pas grave. On laisse tomber les choses qui nous tracassent et on vieillit avec. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de soucis. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Vous comme un pompier ? Si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Compter enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants. T'as des grosses fesses trop lourdes. Hey, c'est ça, on t'a pas vu les tiennes. Aujourd'hui sort au cinéma le documentaire de Anne Dauphine Julien intitulé « Et les Mistral gagnants ». Ambre, Camille, Charles, Imad et Tuc Duhal ont entre 6 et 9 ans. Malgré la maladie, ils continuent à rire, jouer, se disputer, rêver, à aimer la vie. Ambre, qui souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, se passionne pour le théâtre. Et les garçons affrontent leur mal avec courage et humour. Les termes neuroblastome, épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale sévère font partie intégrale de leur vocabulaire alors même qu'une grande partie d'entre nous ne connaît pas leur signification. Des maladies douloureuses, handicapantes, potentiellement mortelles, d'autant plus intolérables quand elles frappent des enfants. La réalisatrice Anne Dauphine Julien a l'intelligence de privilégier la parole et le ressenti des enfants, sans dissimuler leur souffrance, mais en soulignant leur insouciance, leurs rêves, leur énergie contagieuse à profiter du temps présent. Anne Dauphine Julien parvient ainsi sur un sujet aussi difficile à offrir un film débordant de rire, de petits bonheurs, de lumière, en un mot, un film débordant de vie. N'hésitez plus, ces 5 petits bouts de chou n'attendent que vous. Thank you, Maud. Sorry, we experienced some technical difficulties a few minutes ago. There's a new movie about JFK's wife and it's out today. Interested? Alice found as much as she could on the subject. Yeah, today the American movie Jackie will be out in French cinemas. More than 50 years after the 35th president of the USA was killed, Pablo Larraín has decided to focus on the First Lady's life in this dramatic but realistic movie. Between the violence of his husband's death and the pride of a very famous and iconic family, the actress Natalie Portman will pay a strong tribute to Jackie Kennedy. Lovers of the Kennedy family or just of the USA, be ready to discover it tonight. People like to believe in fairy tales. You ready? Of course. And you? I believe that the characters we read about on the page end up being more real than the men who stand beside us. I'm saying, Jack. Jack, can you hear me? Jack, I love you, Jack. People need their history. They need to know that real men actually lived here. Le film Jackie, retraçant la vie de la First Lady après l'assassinat de son mari à Dallas en 1963, sort aujourd'hui au cinéma en France. Entre sa vie privée et la médiatisation d'un meurtre violent, l'actrice Natalie Portman délivrera tous les secrets de la famille Kennedy dans un film bouleversant à voir au plus vite. A noter également qu'il s'agira du premier film réellement focalisé sur Jackie et non sur son mari, un format que certains critiques ont jugé plus attirant. Cinema again. Mathilde has things to say about the next Harry Potter movie. Open up your ears. 2017 is once again the year of Harry Potter. After finding their hero as a hand dad in the book, Harry Potter and the Dem Child, fans of The Sorcerer's Apprentice will celebrate the 15th anniversary of the second film and also the 5 years opening to the public of the Warner Bros. Studio. For the occasion, the owner of the place had redeveloped it, the place and imagined a kind of attraction to turn off the Forbidden Forest. For the artist director of the film franchise, Stuart Craig, this novelty promised to be incredible. It's the 8th film, The Forbidden Forest, play a key role, and I think it's an exciting new extension for the studio. On the 31st of March, visitors will be able to sneak into the mysterious wood, taking the risk of not coming out. They will have to cross the school gate while being greeted by a life-size Hagrid. For those who wish it, they can disguise themselves with the likeness of their favorite characters and equip themselves with a lantern. Only once they arrived in the Forbidden Forest, they will have to bypass the evil creature and manage to a small space, mainly occupied by 20 trees whose diameter is 40.5 meters. On the spot, they meet Buck and Aragog. According to the mood of the owner of the place, they could be victims of a torrential rain or a devastating storm. For those who will risk the adventure, it will count about 40 and 45 euros. 2017 est une fois de plus l'année d'Harry Potter. Après avoir retrouvé leur héros en papa poule dans le livre Harry Potter et l'enfant maudit, les fans de l'apprenti sorcier célébreront le 15e anniversaire du second film, mais aussi les 5 ans d'ouverture au public des studios Warner Bros. Pour l'occasion, les propriétaires des lieux ont réaménagé l'espace et ont imaginé une sorte d'attraction autour de la forêt interdite. Le 31 mars, les visiteurs pourront se faufiler dans les méandres de ce mystérieux bois et prendre le risque de ne pas s'en sortir. Ils devront franchir le portail de l'école, tout en étant accueillis par un Hagrid grandeur nature. Pour ceux qui le désireront, ils pourront se déguiser à l'effigie de leur personnage préféré et s'équiper d'une lanterne. Une fois arrivés dans la forêt interdite, ils devront contourner les créatures maléfiques. Sur place, ils feront rencontre avec Buck et Aragog. Selon l'humeur des propriétaires des lieux, ils pourraient être victimes d'une pluie diluvienne et d'orages dévastateurs. Pour ceux qui prendront le risque de s'y aventurer, comptez environ 40 à 45 euros. Muchas gracias. Así que no solo se habla de nuevo de Harry Potter, sino también de Titanic. Luis, ¿qué queda por decir? Bueno, es verdad que se habló muchísimo de Donald Trump por aquí, Donald Trump por acá, pero hay otro debate muy importante que sigue abierto. ¿Jack hubiera podido sobrevivir o no al naufragio del Titanic? James Cameron contestó, en el guión estaba escrito que Jack tenía que morir. Vale, hubiéramos podido elegir una tabla más pequeña, pero el tipo debía morir. En una emisión que se llama Mythbusters o Cazadores de Mitos, un equipo comprobó que los dos personajes sí cabían en una tabla con las mismas medidas. Jack hubiera podido sobrevivir. Ok, on parle beaucoup de Donald Trump par-ci, Donald Trump par-là, mais un débat important reste ouvert. Jack aurait-il pu survivre au naufrage du Titanic? James Cameron répond. Selon le scénario, il devait mourir. Mais l'équipe de Mythbusters en Cazadores de Mitos, en espagnol, a prouvé que oui, on pouvait sauver Léonard. Pues, muchas gracias. Y ahora, Judith, parece que las mujeres más lindas vienen de Lille. Por supuesto, la francesa Iris Mittenaar fue coronada Miss Universo 2016 la noche del domingo 29 de enero en la gala celebrada en Manila. Y sucede en el título a la filipina Pia, que ganó la edición de 2015. La primera finalista fue la representante de Haití, Raquel Pellicer, y el tercer puesto fue para la colombiana Andrea Tobar. Iris, con 24 años y 173 centímetros de altura, estudiante de medicina dental y modelo en nuestra ciudad de Lille, se ha convertido en la segunda francesa en ganar el título más de 6 décadas después de que su compatriota Christian Martel que lo lograra en 1953. La francesa dijo que se siente muy orgullosa de llevar esta corona a Europa, ya que el continente no había tenido una Miss Universo desde 16 años. La gala, que se desarrolla en el pabellón Mail of Asia Arena de Manila, comenzó con la elección de las 13 semifinalistas. Tuvieron lugar desfiles en trajes de baño y vestidos de noche, mientras el número de candidatas se reducía a 9, 6 y finalmente 3 después de que las misses fueran sometidas a las preguntas de los 6 miembros del jurado. Durante la ronda de preguntas, la francesa fue interrogada sobre su postura ante la acogida de refugiados, a lo que respondió que respeta las diferentes visiones de soberanía nacional de cada país. Si bien se mostró favorable a las políticas de puertas abiertas en nombre de la diversidad y la globalización. Después de anunciarse que la representante colombiana Andrea Tobar quedaba en tercer lugar, la francesa y su competidora haitiana, 8 centímetros más alta, se situaron frente a frente durante breves momentos de tensión hasta que el presentador pronunció el nombre de la ganadora. Esta joven de pelo castellano, que destacó por su elegancia, acudió al certamen como Miss Francia 2015, título que ganó en representación de nuestra región Nord-Pas-de-Calais. La Miss Universo aseguró que aprovechará su reinado de un año para viajar por el mundo y realizar acciones de caridad con el objetivo de promocionar la educación para todos los niños y en especial para las mujeres jóvenes. Ahora escuchamos el momento de su elección. The new Miss Universe is... France! À 24 ans, Iris Mittenaar est élue Miss Univers. 1m72 de glamour à la française, à la fois sexy et élégante, Iris Mittenaar permet à la France d'être couronnée pour la première fois depuis 1953. J'étais très surprise. Vous savez, je passe mon temps à toucher cette couronne et à chaque fois je me dis « Oh mon Dieu, je l'ai sur ma tête ». La nordiste Iris Mittenaar a été élue ce lundi 30 janvier Miss Univers lors du concours télévisé organisé à Manille, devant ses concurrentes Miss Haïti et Miss Colombie. Née à Lille, dans notre belle région, cette étudiante en chirurgie dentaire avait été élue Miss France en 2016 et auparavant Miss Nord-Pas-de-Calais 2015. Cette grande brune d'1m72 de 24 ans s'était engagée, si elle remportait le concours de beauté, à faire campagne pour la promotion de l'hygiène bucco-dentaire selon le site de Miss Univers, qui précise qu'elle aime les sports extrêmes, les voyages et cuisiner des plats français. Lors du dernier round de questions, au moment où 6 candidates étaient encore en lice, Iris Mittenaar a notamment fait un plaidoyer pour l'ouverture des frontières. Avoir des frontières ouvertes peut nous permettre de parcourir le monde et de découvrir un peu plus nos voisins, a-t-elle déclaré à l'animateur qui l'interrogeait sur la crise des migrants en Europe. Elle a devancé en finale la haïtienne Raquel Pellicer et la colombienne Andrea Tobar à l'issue d'un spectacle de 3 heures. Mais elle est surtout la deuxième française couronnée Miss Univers, 6 décennies après la Lorraine Christiane Martel sacrée en 1953. Et le plus merveilleux, c'est que notre nouvelle Miss Univers a réussi à décrocher sa couronne sans avoir recours à la chirurgie esthétique, interdit pour toutes les candidates participant à Miss France, dans un concours appelé Royaume du Faux où tout n'est que paraître et paillettes. Iris, souhaitant dénoncer ses opérations esthétiques, a même joué la carte du naturel la veille du concours, en posant sans maquillage sur les réseaux sociaux, une démarche que ses collègues n'ont pas toutes acceptée. Enfin bref, nous sommes maintenant tous sûrs et certains. Les plus belles femmes de l'univers se trouvent à Lille. Muchas gracias. Y ahora, Agustín, volvemos al tema del amor, que no es tan lleno de sorpresa como pensamos. Seguramente cierta visión romántica nos haga pensar que el azar se interpone en el camino. Pero la realidad es que este suele estar determinado por la convicción de que nos relacionamos con personas que comparten nuestra naturaleza, modo de pensar o aficiones. Porque activamente así lo queremos y lo buscamos y no por casualidad. Estas preferencias van dando forma a nuestros genomas. Así lo demuestra el estudio liderado por Matthew Robinson, investigador del Instituto del Cerebro de la Universidad de Queensland en Brisbane. Según el estudio, en los mercados genéticos de una persona se detectaban rasgos como la altura o el índice de masa corporal para predecir la altura y el IMC de su pareja. Los cálculos se realizaron comparando más de 24.000 de parejas y dieron como resultado una correlación sorprendente fuerte entre los mercados genéticos que determinan la altura. Y también se demostró que la gente había elegido inconscientemente o no parejas con genes similares. Ce que nous pensions sur l'amour depuis notre plus tendre enfance est maintenant révolu avec cette nouvelle étude faite par Matthew Robinson. Avec plus de 24 000 couples, cette étude a conclu qu'on ne trouvait pas l'amour par hasard, mais selon notre patrimoine génétique. C'est-à-dire, selon notre patrimoine génétique, on peut savoir la taille ou même l'IMC du conjoint que l'on recherche. Ainsi, lors de votre prochain rendez-vous, je vous conseille de demander le patrimoine génétique de votre date. Thank you. Is your drug dealer ripping you off? Arthur leads a very serious inquiry on the subject. Well, serious, I don't know about that, you'll see. When a drug dealer in Northern Australia significantly raised the price of his products, one of his unhappy customers called the police to complain. The unidentified woman dubbed the marijuana price hike outrageous, then refused to reveal any further details out of fear of incriminating herself before hanging up. The Northern Territory Police, Fire and Emergency Services said the completely offended woman bizarre call was already top of the list of the unusual phone calls. The police then added, if you know a drug dealer who is ripping you off, please give us a call. We'd love to help. It may seem funny, but sadly she's not the only one to call the police for preposterous reasons. Police have criticized a Connecticut woman for calling 911 about a local pizzeria allegedly mixing up her orders. Okay, 911, location of your emergency. A woman calls 911 for getting the wrong pizza sent to her. Delivered was half cheese, half hamburger. It was supposed to be half cheese, half bacon. Whoops. I just have a question. If I order a pizza and they don't want to give me my money back, can you guys do something? The police dispatcher in Hartford, Connecticut, calmly told the caller her question wasn't an emergency. That's not something you would dial 911 for. So you cannot even call them or something? No, we can't call the pizza shop. Police explained the woman, who still ate part of the pie, initially called the pizza place to complain, but wasn't satisfied with their response. The caller, whose name was not released, was given a verbal warning by police. Next time, she shouldn't devour the evidence. In the audio posted online, the woman can be heard angrily asking the emergency services if the police would be able to do something to resolve her dispute with Empire Pizza in Hartford. The woman, identified only as Ashley, claimed she ordered an half cheese, half bacon pizza, wink wink to all bacon lovers out there, but received a half cheese, half hamburger instead. That's not a police matter, madam, the dispatcher said before arranging an officer to meet at the eatery. The owner of the pizza place told the police they would have refunded Ashley's money over the error, had she not eaten half the pizza by the time the police showed up. She will not be charged with misuse of 911, but Deputy Brian Foley said the police department decided to release the audio as a learning opportunity for others. This is not the type of things we want people calling 911 for, he added. Quand un dealer de drogue du nord de l'Australie augmente ses tarifs de façon significative, une cliente mécontente appelle la police pour se plaindre. Selon ses propos à la police, l'augmentation est hallucinante. Se rendant probablement compte de sa bêtise, elle ne tarde cependant pas à raccrocher. Le porte-parole du Northern Territory Police Fire and Emergency Services a annoncé que la femme se plaçait aisément dans le sommet de la liste des appels bizarres, avant d'ajouter, non sans une pointe d'humour sur les réseaux sociaux, « Si vous pensez que votre dealer vous arnaque, appelez-nous, on adorerait vous aider. » On peut cependant penser qu'il s'agit d'un cas isolé, mais cette Australienne n'est pas la seule à appeler la police pour une raison aussi ridicule. La police du Connecticut a réprimandé une femme pour avoir appelé la police parce que, selon elle, le livreur de pizza s'était trompé dans sa commande. Dans l'enregistrement de l'appel posté en ligne, on peut entendre la femme demander au service d'urgence si la police pouvait intervenir dans le litige avec la pizzeria. La femme prétend avoir commandé une demi-fromage, demi-bacon, mais elle n'aurait reçu qu'une demi-fromage, demi-hamburger à la place. Ça ne concerne pas la police, madame, lui a répondu le répartiteur avant d'arranger une confrontation entre la cliente, la pizzeria et un agent de police. Le propriétaire du restaurant aurait annoncé qu'il aurait remboursé Ashley pour prévenir l'erreur de livraison, si seulement elle n'avait pas mangé la moitié des preuves avant de venir. Elle ne sera pas punie pour son usage abusif du 911, mais l'adjoint de la police Brian Foley a annoncé que l'enregistrement de la conversation serait mis en ligne pour servir d'opportunité d'apprentissage aux autres, avant d'ajouter « Ce n'est pas pour ça qu'on veut que les gens appellent la police. » Well, thank you about those stupid and bizarre news. And now, Quentin is proving us that even good reporters may talk about stupid surveys. The standard markup language used to create web pages is HTML. You know right. However, 11% of people surveyed believe HTML was a sexually transmitted disease. The study was conducted by VoucherCloud.net, a coupon website, as a way to determine how knowledgeable users are when it comes to tech terms. Besides HTML, 27% identified gigabyte as an insect commonly found in Southern America. 23% thought an MP3 was a Star Wars robot, and 18% identified Blu-ray as a marine animal. Another one. There's a high-speed bus barreling toward you with no signs of slowing down. Your dog and a foreign tourist stand in its path, deer in the headlight style. You can only save one. Which do you choose? 40% of surveyed people faced this hypothetical question, said that they would save their dog's life rather than the foreigner's, according to the researchers at Georgia Regents University and Cape Fear Community College. That number is higher for women, and at about 45%. Le langage informatique le plus standard dans le domaine de la création de sites internet s'appelle le HTML, et vous le savez sans doute. Soyez-en fiers, car un bon 11% de sondés de VoucherCloud.net voyaient le HTML comme une maladie sexuellement transmissible. Le but du sondage est de déterminer jusqu'à quel point les utilisateurs pouvaient se montrer à côté de la plaque pour tout ce qui touche aux termes techniques. Mis à part le HTML, 27% des sondés ont cru qu'un gigabyte, ou gigaoctet en français, était un insecte banal trouvable en Amérique du Sud. Cela s'explique car « to bite » en anglais signifie « mordre ». 23% pensent que MP3 est un nom de robot dans Star Wars, et 18% ont identifié le Blu-ray comme un animal marin, que l'on appellerait probablement la raie bleue en français. Allez, un autre pour la route. Un gros bus fonce à toute allure dans votre direction et n'a pas l'air d'être prêt à s'arrêter. Votre chien et un touriste étranger sont en plein dans sa trajectoire, éblouis par les phares tels deux biches sur une autoroute. Vous ne pouvez en sauver qu'un. Qui choisissez-vous ? Arthur, qui choisis-tu ? Je pousserai l'étranger sous le bus et je me barrerai avec le chien, même si c'est pas le mien. Ah oui, d'accord. Là, c'est un cas extrême, Mais sinon, 40% des sondés soumis à ce dilemme cornélien ont choisi leur chien, tout de même, selon le Georgia Regents University et le Cape Fear Community College. Le pourcentage s'élève à 45% pour les femmes. J'en ai d'autres en réserve, mais ce sera pour la prochaine fois. Bien, merci beaucoup, alors. Ah, merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, il y avait voilà. Merci à tous d'avoir écouté Try to Speak Better English. Thank you everyone. On remercie toute l'équipe. Héloïse, Eugénie, Charlotte, Hayley, Mélodie, Sixtine, Alice, Maude, Mathilde, Louise, Judith, Augustine, Arthur et Quentin. Y ahora, escuchamos cómo te atreves de Morat. Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Quiero prohibirme recordar. Lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte. 3 postales, un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. 4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero. 2 consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Yo me acostumbré a perder, mi corazón funciona sin latir. ¡No!